qui fait la ville. C'est comme un grand. Boum boum boum boum. Je suis au milieu d'un rêve magique, mec, ça fait boum boum boum boum. Je regarde le spectacle des programmes karmiques, mec, ça fait ouh ouh ouh ouh.